je me souviens plus ce que veut dire mes mots. Habitude comme une vague qui frappe le bord de l'eau. J'ai oublié mon nom sur le tapis de salon. Va le ramasser au lieu de le laisser aller. J'ai un point dans le dos qui m'ont plus rien veut dire même mot. Il vient brûler une bonne partie de mon cerveau. Tous les jours je me souviens plus ce que veut dire mes mots. Comme une phrase placée entre des mots. J'ai oublié mon nom sur le mur du salon. Va le regarder au lieu de le ramasser. J'ai un pied dans le mur qui vaut plus rien veut dire mon nom. Il vient détruire une bonne partie de mon salon. Les jours je me souviens plus que veut dire mes mots. L'habitude comme une lettre attachée au numéro. J'ai oublié la foi du tapis du salon. J'ai même oublié tout le mur défoncé. J'ai un rêve dans le fond qui vaut plus rien veut dire mes mots. Je viens juste d'ouvrir une bonne partie de ton cerveau.